Les moines, souvent, vont être programmés. Mais l'homme nouveau, la femme nouvelle qui va s'organiser, c'est qu'elle permet l'expression des énergies mentales et supramentales, l'expression des énergies intelligentes. Et là où rentre l'organisation, sort le désordre. Et là où rentre l'organisation, rentre le mental. Là où rentre le mental, sort la phrase, sort l'ego. Alors l'homme est stressé parce qu'il ne peut pas être organisé. Il ne veut pas s'organiser. Il n'a même pas l'énergie de s'organiser parce qu'on l'appuie. Son ego l'appuie. L'organisation, c'est la facilité. C'est le succès. C'est la réussite. C'est l'énergie mentale exprimée. OK. Merci beaucoup, Daniel. Et... OK. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient quelques heures à lire cette semaine, un des livres de Daniel qui est disponible en arrière. Il n'y a pas d'autres terres, il n'y a pas d'autres hommes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain titre qui sera « À la recherche de son esprit ». Merci, bonne fin de soirée.